tranquillement à Montréal. On lui a parlé dans la première, voilà, 2-3 semaines à peu près. Ouais. C'est un gars qui a pas peur de dire ce qu'il pense, puis qui a pas peur de dénoncer, et qui a pas peur non plus de dire, regardez, ça faut que ça change, ça il faut que ça change, ça aussi faut que ça change, faut s'organiser pour que ça bouge. Lui, ça y dérange pas du tout de sortir. Mais par contre, souviens-toi quand on lui a posé la question, avez-vous des menaces, Monsieur Zira? Ah oui, là, c'est sûr, là. Parce qu'il y a des gens qui sont quand même assez, je vous dirais, influents dans la communauté musulmane, que t'es mieux de fermer ta gueule parce que laisse-nous faire nos affaires, puis toi, t'as pas d'affaires à t'affirmer. Puis au contraire, c'est une trahison. Ces gens-là devraient se lever haut et fort puis condamner ce qui se passe avec la communauté musulmane. En fait, il n'y a rien à condamner avec la communauté musulmane. C'est de se dissocier de ces débiles-là, de la branche radicale. C'est de se dissocier de ça carrément. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais, on parlait avec le prêtre qui est venu bénir les studios la semaine passée, l'abbé Jimmy, qui, je lui demandais, est-ce que vous reconnaissez qu'il y en a eu de la pédophilie? Puis oui, il dit, oui, je le reconnais, je le condamne. Mais associe-moi pas avec ça, moi je dénonce ça. Moi, je fais pas partie de ça. On dit tout le temps, les musulmans, c'est pas tous des terroristes, là. Mais tous les terroristes, c'est des musulmans. Fait que cette branche-là, radicale, faut la dénoncer. Je veux des imams qui sortent, je veux des imams qui communiquent avec les policiers. Pas qu'on attende que le gouvernement fasse de quoi à un moment donné en disant « Ah, ben le gouvernement, faudrait s'asseoir avec eux autres, puis il faudrait prendre le temps de discuter ensemble. » Discuter de quoi? Vous les avez dans vos faces à longueur de journée. Vous le savez, c'est qui sont dangereux, puis c'est qui ne le sont pas. Il me semble que c'est facile, là. Puis dans ce temps-là, qu'est-ce que vous faites? Ben vous prenez le temps de les dénoncer. Moi, je regardais, puis... C'est ça qui me chicote un peu, je vous dirais, parce qu'il y a des gens que vous voyez, il y a des gens que vous entendez, qui vont vous traiter et qui vont me traiter, parce que, oui, je l'ai déjà reçu, ce qualificatif-là, puis ça me dérange pas pantoute, mais on m'a souvent qualifié d'islamophobe. Puis ça, vous allez voir, on l'utilise souvent à toutes les sauces. « Ah, vous êtes islamophobe! Ah, vous êtes islamophobe! » Excusez, là, non. Je suis pas islamophobe. Puis des gens, j'ai passé 2 mois à voyager dans des pays musulmans, là. Hein? J'ai fait l'Indonésie pendant 5 mois. Après ça, je suis allé me promener dans le coin de la Malaisie. Je suis allé à Kuala Lumpur. Être vraiment islamophobe, je pense que j'aurais changé de pays. D'ailleurs, je peux vous dire une chose, moi, à Kuala Lumpur, dans les petits marchés autour de la ville, j'ai vu beaucoup de t-shirts qui était marqué « We support djihadistes ». On supporte des terroristes. Puis c'était dans des petits marchés, là, des marchés musulmans. Puis les chandails étaient pas cachés en arrière de la caisse, là. C'était affiché, puis je me promène, puis je fais comme « Ben voyons donc, on niaise-tu? On s'affiche qu'on supporte les terroristes. Il y a une frange, il y a un petit groupe comme ça qu'il faut dénoncer, puis on appelle ça l'État islamique. C'est juste ça. Un des pays où on recrute le plus de terroristes, c'est l'Indonésie puis c'est la Malaisie. Après ça, bon, vous avez plusieurs pays là en Occident, vous en avez beaucoup au Canada, vous en avez beaucoup aux États-Unis. Londres, il y en a beaucoup des jeunes hommes de Londres qui partent pour aller en Syrie, pour aller en Irak, pour aller dans différents pays, pour supporter la cause de l'État islamique. C'est eux autres qu'il faut dénoncer. Je regardais, il y a le président de Amal Québec qui est sorti à Radio-Canada. D'ailleurs, parenthèse, c'est drôle, à chaque fois qu'il se passe quelque chose contre une mosquée au Québec, c'est tout le temps Radcan qui sort la nouvelle. Je fais pas de lien, là. C'est peut-être un heureux hasard, mais à chaque fois, c'est toujours Radcan qui ont l'exclusivité là-dessus. Saguenay, il y a un moron qui est allé pitcher 2 litres de porc et m'emmener sur une mosquée. Paf, c'est Radcan qui l'a sorti. Les mosquées de Québec, en fin de semaine, c'est Radcan qui l'a sorti. On a pitché une roche dans la mosquée à Saint-Jean-sur-Richelieu où on pense que le débile qui a tué un militaire est allé. On a pitché une roche dedans. C'est Radcan qui l'a dénoncé. Fin de la parenthèse, je vais pas plus loin que ça. Mais quand je lis, moi, le président de Amal Québec, qui dit « Ah, il y a beaucoup d'islamophobes. » Puis ils sont venus poser des pancartes dans des mosquées. Puis il y a beaucoup de groupes qui sont contre les musulmans. Excuse-moi mon pit, là, mais entre poser une pancarte puis foncer sur un militaire avec un char, je trouve qu'on fait un gros plat avec ça, là. Oui, il faut le dénoncer. Oui, il faut les trouver, ces gens-là. Puis je veux savoir c'est qui. Des fois, on se rend compte que c'est des débiles légers, là. Mais ça me dérange pas de les trouver. Mais là, arrêtez de faire des grosses histoires avec ça, puis qu'on est des islamophobes, puis qu'on est contre les musulmans, puis blablabla. Arrêtez d'essayer de nous faire pitié, là. On n'est pas tous islamophobes, comme on est, les musulmans sont pas tous des terroristes, là. Non, non. Ça marche des deux bords. Ouais, attendez, là. Parce que là, on fait un gros plat. Oh, yo, ils sont venus mettre une pancarte. Fuck l'islam, go back home dans la fenêtre de la mosquée. OK, oui, je comprends, puis il faut le dénoncer. Puis au pire, c'est à notre job aussi de les dénoncer, ces caves-là. Ben oui, c'est carrément. Mais c'est parce qu'on a deux morts, là. Moi, j'ai pas vu de Québécois encore foncer sur un musulman en char, puis j'ai pas vu de Québécois sortir avec la mitraillette pour y tirer dans le dos, là. Fait qu'on peut se calmer un peu pour en faire un plat. Mais vous allez voir, puis je termine avec ça, de la majorité des gens qui vont sortir pour vous faire la morale sur l'islamophobie, puis tout ce que vous voulez, ont souvent des liens douteux avec certains groupes, là. Tu sais, faut pas oublier une chose. Connaissez-vous l'association Bridge? Peut-être que ça vous dit absolument rien. L'association Bridge, c'est un regroupement, c'est une association que vous avez qui est à Montréal. Et je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, printemps passé, il y avait un article, on a fait une cérémonie où on fait la cérémonie du port du voile pour des jeunes filles de 8-9 ans. Je sais pas si vous vous souvenez de ça, c'était sorti dans les journaux, parce que ils l'ont toujours dit, le port du voile, c'est personnel à la propre personne, là. On n'incite pas personne à porter le voile. Si les femmes veulent le porter, ça, c'est pendant le temps de la charte. Tu sais, il y a des gens qui disaient, non, nous autres, le voile, écoute, elle fait ce qu'elle veut. Puis il y a beaucoup de femmes qui sont sorties, Dalila Wada, qui est sortie pour dire, moi, le voile, je le porte comme je le veux, puis on force pas les jeunes filles à le porter. Ben, c'est drôle, dans cette association-là, oui. On fait des cérémonies pour le port obligatoire du voile pour des jeunes filles de 8-9 ans. Je pense pas que la petite fille à 8-9 ans, elle comprend qu'est-ce pourquoi elle met le voile. Et aussi, quand ils font des réunions à l'association Bridge, la salle est splittée en deux. Savez-vous pourquoi la salle est séparée en deux? Les hommes, les femmes. Voilà. Les hommes n'ont pas le droit d'être mélangés avec les femmes et vice-versa. Savez-vous qui participe à certaines rencontres de l'association Bridge? Puis j'ai ici photo à l'appui, là. Des imams vedettes, sûrement? Non, pas nécessairement. Des noms qu'on a déjà entendus? Des noms qu'on a déjà entendus. Je te dirais oui. Tu peux-tu... j'ai juste une copie. Mais est-ce que tu peux juste regarder, Marie, et me dire quelle est la personne en plein milieu de la photo lors d'une soirée? Il y a Amir Kadir. À côté de lui. Je dirais à sa droite. Est-ce que tu te souviens de cette petite dame-là qui a passé à Tout le monde en parle? C'est Dalila Wada. Oui. Il y a des gens du milieu, des gens que vous voyez. Tu peux me leur donner, Marie, merci. Des gens que vous voyez qui, d'un côté, vont avoir une espèce de message que, écoutez, arrêtez de chialer, puis le voile, puis tout, puis vous êtes des islamophobes, puis ta-ta-ta. Puis en cachette, des fois, tu regardes leurs liens, tu fais comme, ouais, vous êtes un petit peu douteux, là. Ouais, mais là, ça monte de loin, on là. Tu sais, c'est, faut pas sauter trop vite aux conclusions. Tu sais, pourquoi il était là? Ben, là. Entre toi pis moi, là. Vous passez par là, puis j'ai dit, c'est pas grave, allez leur demander s'ils veulent voter pour moi pour la prochaine élection provinciale. J'ai fait comme... Tu portes ta porte? Je peux-tu, s'il vous plaît? Puis il était là, il était assis. J'ai une autre photo aussi où ce qui est assis en avant, puis il écoute l'imam qui est en train de faire son speech. Je pourrais vous en parler pendant très, très longtemps, là. Je reviendrai avec ça parce que c'est beaucoup d'informations qui rentrent puis qui sortent, là. Je pourrais vous sortir des noms aussi, puis des fois, vous allez faire comme moi, monette, comme toi, nerf un peu, là. Mais faut faire attention, là, avant de nous traiter d'islamophobes. Moi, j'ai absolument rien contre les musulmans, mais je pense que si, je sais pas, moi, tu sais, j'incite les gens qui travaillent dans la religion catholique, là, dans l'Église, de dénoncer pédo. Si vous le savez, là, qu'il y en a un pédo, là, dénoncez-le. Moi, je veux le dénoncer. Je veux savoir c'est qui le crotté. Ben, dans cette religion-là, musulmane, si vous en fréquentez des mosquées, là, vous avez le droit. Mais si vous envoyez des bizarres, là, c'est le temps de le dénoncer. Parce que les policiers sont pas nécessairement tous formés pour faire de l'infiltration, là.